papier, jeune homme. J'aime avoir la bière le soir et la steak qui se fait tard. Je connais plus mon chemin dans le noir. Je connais plus mon chemin dans le noir. Mon autre seul peut me ramener. Conduire une bière pas danger. Je le referai sans hésiter. Je le referai sans hésiter. Boire ou conduire, pourquoi choisir? Agent ou ivre, lequel est le pire? Boire ou conduire, pourquoi choisir? Agent ou ivre, lequel est le pire? J'aime aller à des concerts pour goûter avec Peter. Soirée avec les busters, soirée avec les busters. Je termine devant le comptoir, pour entrer il faut y croire. C'est promis, je continue de boire. C'est promis, je continue de boire. Boire ou conduire, pourquoi choisir? Agent ou ivre, lequel est le pire? Boire ou conduire, pourquoi choisir? Agent ou ivre, lequel est le pire? De la roue vient de l'alcool sans doute. À combattre coûte que coûte. À combattre coûte que coûte. Mais les deux tiers au restant, c'est son histoire bon volant. Qui tue deux fois plus de gens? Qui tue deux fois plus de gens? Boire ou conduire, pourquoi choisir? Agent ou ivre, lequel est pire? Boire ou conduire, pourquoi choisir? Agent ou ivre, lequel est pire? Choisir, agent ou ivre.